monde à se mêler. Cette ambiance me donne des pensées que je peux assumer. Ce soir, laisse-moi t'initier l'histoire guidée. J'ai envie d'emprunter les chemins censurés. Je veux mourir en toi.